بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Damas, la base du djihad sur terre. Par le Cheikh Hussein ibn Mahmoud, hafidhahullah. Tout récit lié au Cham est forcément empreint de douleur. C'est une épopée historique faite d'hommes et de batailles, un récit riche en rebondissements, en planification aussi bien stratégique que politique. C'est un récit lié de même à la connaissance, à l'inspiration, à l'héroïsme, au panache autant qu'au génie. Un tel récit se voudra aussi bardé d'histoires de ruses guerrières, de progression en matière d'invention, de créativité et d'innovation. Mais le Cham, et qui pourrait véritablement savoir ce qu'est le Cham? L'élite des guerriers à la surface du globe. Abdullah ibn Hawala, radiallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: vous serez amené à dresser des armées. Une armée pour le Cham, une armée pour l'Irak, puis une armée pour le Yémen. Alors, Abdullah a dit: choisis-en une pour moi, ô messager d'Allah. Alors, il dit: rejoins le Cham. Et celui qui n'est pas capable de cela, qu'il aille alors au Yémen, car Allah le Tout-Puissant et Majestueux s'est porté garant pour moi de la région du Cham et de ses gens. Rabi'a, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu la narration de ce hadith faite par Abu Idris qui disait: quiconque est sous la garantie d'Allah ne saurait être perdu. Le Cham, terre de connaissance et de foi. D'après l'autorité d'Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai vu les piliers du livre être tirés de dessous mon repose-tête, mon regard les suivit, et c'est une lumière éclatante que j'avais alors en face de moi, puis j'ai vu que ceux-ci, les piliers du livre, étaient placés au Cham. Quand viendra la période des troubles, la croyance se trouvera au Cham. Aussi, Omar, radiallahu anhu, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai vu une colonne de lumière qui venait de derrière mon repose-tête et dont la splendeur de l'éclat ne cessa jusqu'à sa stabilisation dans le Cham. Le Cham, lieu de résurrection au jour du jugement. D'après l'autorité d'Abu Wawr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Cham est le lieu de l'ultime rassemblement, ainsi que la terre de la résurrection. Aussi, d'après l'autorité de Muawiya ibn Haïda, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour du jugement dernier, vous serez tous rassemblés. Certains sur des montures, d'autres à pied, et d'autres encore traînés sur leur propre face, en ces lieux. Et il tendit sa main en direction du Cham. Encore d'après l'autorité de Salim ibn Abdullah, radiallahu anhu, qui le tient de son père, qui dit: le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: un feu s'élèvera à la fin des temps depuis Hadramaut, poussant les gens d'alors à tous se réunir. Les compagnons demandèrent: que nous commandes-tu donc de faire à ce moment, ô messager d'Allah? Il répondit: allez au Cham. La meilleure destination pour l'émigration. D'après l'autorité d'Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: il y aura une hijra après la hijra. Et les meilleurs gens de par le monde seront alors ceux qui suivront la hijra que fut celle d'Ibrahim au Cham. Puis resteront enfin à la surface de la terre les pires de ses habitants, qui seront refoulés de leur propre terre. Ils seront les êtres les plus pris en aversion par Allah. Allah détestera leur exil et par conséquent les rejettera. Ibn Athir explique: Allah détestera leur exil et par conséquent les rejettera. Le feu finira alors par les rassembler en compagnie des singes et des porcs. Lorsque se corrompront les gens du Cham, c'est qu'il n'y aura plus de bien en nous. sous l'autorité de Qurra ibn Iyas al-Mazni radiyallahu anhu, qui dit: le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens du Sham en arrivent à devenir corrompus, c'est qu'il n'y a plus de bien en vous, les gens de la vérité. D'après le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la communauté des gens de l'Ouest, Ahlul Gharb, détiendront la vérité jusqu'à la venue de l'heure. Aussi dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un groupe de ma nation ne cessera de combattre en conformité avec l'injonction d'Allah, le Tout-Puissant. Les traîtres et les déserteurs ne leur seront d'aucune nuisance, ne cessant de combattre leurs ennemis. Et ces combats cesseront tandis que d'autres renaîtront sans arrêt. Allah fera pencher en leur faveur les cœurs d'une certaine faction du peuple, par la cause desquelles il les soutiendra jusqu'à la venue de l'heure d'où surgira comme une parcelle de nuit ténébreuse dont ils seront effrayés. Effrayés au premier abord, mais qui découvrira ensuite à la façon d'un bouclier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: ceux-là sont les gens du Sham. La terre de bénédiction, selon l'autorité d'Ibn Omar radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir effectué la prière d'Al-Fajr, est venu aux gens disant: ô Allah, bénis pour nous notre Médina et place tes bénédictions sur nos sa et notre moud, valeur de quantification. Bénis-nous depuis notre Mecque, bénis-nous de même dans notre Sham. Un homme dit: ô prophète d'Allah et notre Irak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors apaisé et répéta: l'homme dit: et notre Irak. Et le prophète de s'apaiser à nouveau et de dire: ô Allah, bénis pour nous notre Médina et place tes bénédictions sur nos sa et nos moud. Bénis-nous de même notre Sham. Bénis-nous de même dans notre Sham. Ô Allah, accrois pour nous bénédiction sur bénédiction. Selon l'autorité d'Ibn Omar radiyallahu anhum, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, place ta bénédiction sur nous dans notre Sham et dans notre Yaman. Ils dirent: ô messager d'Allah, notre Najd. Il ne répondit pas, mais répéta à nouveau: ô Allah, place ta bénédiction sur nous dans notre Sham et dans notre Yaman. Il dit: ô messager d'Allah, notre Najd. Il dit: de là viendront de grands bouleversements et des dissensions, et à partir de là émergera une partie de la tête de Shaytan. Terre exaltée aux serviteurs émérites. Selon l'autorité Abdullah ibn Hawala radiyallahu anhu, qui a dit: ô messager d'Allah, prescris-moi un lieu où je devrais m'établir, car si j'avais seulement la certitude que tu resterais avec nous pour une longue période, je ne choisirais rien d'autre que de rester avec toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: va au Sham, va au Sham, va au Sham. Constatant alors ma déplaisance pour le Sham, il dit: sais-tu ce qu'Allah Tout-Puissant et Majestueux a dit? Il a dit: tu es la quintessence de mes terres dans laquelle je ferai entrer les meilleurs de mes serviteurs. Aussi, selon l'autorité de Wasilah ibn Asqa radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez au Sham, car c'est la meilleure des terres d'Allah. Et c'est là qu'il oriente les meilleurs d'entre ses esclaves. La patrie des croyants. Salamah ibn Nufayl radiyallahu anhu a dit: alors que j'étais assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme se présenta à lui et lui dit: ô messager d'Allah, les chevaux sont délaissés et les armes sont déposées. Et voici que des gens clament qu'il n'y a plus de djihad et que la guerre a cessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ils mentent. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Et une partie de ma umma demeurera combattante dans le sentier de la vérité, et Allah tournera les cœurs de quelques hommes en leur faveur, à partir desquels il pourvoira ses combattants jusqu'aux prémices de l'heure et au parachèvement de sa promesse quant au bien. Il reste lié au toupet des chevaux jusqu'au jour du jugement dernier. Il m'a été révélé que je vous quitterai bientôt, et que vous serez amenés alors à me suivre tandis que vous vous combattrez les uns contre les autres, et la maison des croyants est au Cham. Le Cham, où se brise le dos des menteurs. Selon l'autorité d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la croyance se trouve à droite, et le summum de l'infidélité est par-delà l'est, le Najd. La vanité crasse et l'arrogance se trouvent parmi les peuples aux chevaux et aux chameaux, les bédouins arabes. Et le faux messie viendra de l'est pour se diriger sur Médine, mais il ne dépassera pas Uhud, car alors les anges le combattront depuis le Cham. Et c'est là qu'il sera détruit. C'est là qu'il sera détruit. Terre de butin, terre de subsistance, selon l'autorité d'Umama al-Bahli, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah a orienté mon visage vers le Cham, et il recouvrit mon dos par le Yémen. Puis il m'a dit: ô Muhammad, j'ai placé devant toi et pour toi ton butin et ta subsistance. L'aide est dans ce qui se trouve derrière. De même, voici Damas. Et qui sait donc vraiment ce qu'est Damas? Pivot du djihad des musulmans et parmi leurs meilleurs territoires. Selon l'autorité d'Abu Darda, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la cité des musulmans au jour de la grande confrontation, Al-Malhama, se trouve dans une oasis fertile, proche d'une ville nommée Damas. Et c'est là une des meilleures villes du Cham. Et dans une autre narration, la cité des musulmans au jour de la grande confrontation, Al-Malhama, se trouve dans une oasis fertile, proche d'une ville nommée Damas. Ce sera en ce jour le meilleur des endroits pour les musulmans. Auf ibn Malik, radiallahu anhu, a rapporté: je suis allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Tabouk, tandis qu'il était dans une tente de cuir, et je lui dis: salam. Il dit: auf. J'ai dit: oui. Il dit: viens. Puis il dit: sallallahu alayhi wa sallam, compte six choses précédant la dernière heure. La sixième: un traité entre vous et les Occidentaux, Banu Asfar, les Romains. Mais ils vous tromperont et se mettront en marche contre vous sous 80 bannières, chacune d'elles représentant des factions de 12 000 soldats. Quant à la cité des musulmans, elle est aux abords d'une oasis fertile où se trouve une ville connue sous le nom de Damas. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la dernière heure ne surviendra pas avant que les Romains ne prennent position à Al-A'maq ou à Dabiq. Une armée composée de l'élite des combattants du monde surgira à ce moment de Médine pour les contre-attaquer. Quand ils seront positionnés en rangée, les Romains leur diront: ne vous interposez pas entre nous et ces musulmans reconvertis qui étaient prisonniers de chez nous. Laissez-nous les combattre. Mais les musulmans répondront: non, par Allah, nous ne vous céderons aucun passage qui puisse vous mener à les combattre. Le combat sera donc engagé. Et un tiers de l'armée s'enfuira tournant le dos, lequel ne sera jamais pardonné par Allah. Un autre tiers sera celui des martyrs, d'excellence aux yeux d'Allah. Et le dernier tiers de l'armée sera vainqueur. Ils ne seront plus éprouvés ensuite, et ils seront conquérants de Constantinople. Mais, tandis qu'ils seront occupés à se répartir les butins de guerre, ayant laissé suspendus leurs sabres aux branches des oliviers, Shaytan lancera cet appel: le Dajjal vous a remplacé dans vos foyers. Alors ils se hâteront de partir, tandis qu'il s'agissait d'un mensonge. Une fois arrivés en Syrie, Celui-ci sortira à l'instant même où les troupes musulmanes formeront les rangs pour combattre. En toute vérité, viendra l'heure de la prière. Et c'est à ce moment que Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra et dirigera leur prière. À sa vue, l'ennemi d'Allah se mettra à fondre comme sel dans l'eau. Si Isa, alayhi salam, le laissait ainsi, il se serait dissous jusqu'à la mort, mais Allah le fera périr par les mains de son envoyé qui, après l'avoir trucidé, exposera son sang à tous depuis la pointe de sa lance. Damas est le point nommé où descendra Isa ibn Maryam, alayhi salam. D'après l'autorité de Nawas ibn Saman, radiyallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Isa, alayhi salam, descendra au minaret blanc du côté est de Damas. » Aussi, selon l'autorité de Aous ibn Aous, al-Thaqafi, radiyallahu anhu, qui dit avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Isa, alayhi salam, descendra au minaret blanc du côté est de Damas, revêtu de deux vêtements teintés de safran, ayant les mains reposant légèrement sur les ailes de deux anges. Il y aura comme des perles coulant de son visage. » Allah soutient la religion par les honorables gens de Damas. Sous l'autorité d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « S'il résulte une guerre, Allah inspirera depuis Damas un groupe d'assistance, parmi eux les meilleurs cavaliers arabes et les plus experts en armement. Allah supportera la religion par leur cause. » Bonne nouvelle pour le Cham. Les imams Ahmad et At-Tirmidhi, rahimahumullah, nous ont rapporté dans leur compilation que selon l'autorité de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quelle bénédiction sur le Cham !» Les compagnons autour de lui demandèrent « Comment cela ?» Le messager sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je vois les anges d'Allah recouvrir par leurs ailes tout le Cham. » Une personne pourrait demander « Si telles sont les splendeurs de Damas et du Cham, alors où étaient-elles donc ces terres durant ces 10 dernières années et pourquoi ces gens étaient-ils endormis ? Et pourquoi ont-ils délaissé le djihad dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans plus défendre leur propre cause que celle d'une umma livrée à elle-même ? » La réponse à ces questions n'est ni complexe ni inconnue, plutôt la réponse est limpide et pleinement dévoilée dans un livre d'où le mensonge n'émane en rien. Une révélation provenant d'un sage et unique dignitaire de toute adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui dit « Quoi ? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites « D'où vient cela ?» Répond-leur « Il vient de vous-même. » Certes, Allah est omnipotent. Sourate Al-Imran, verset 165. Le Cham s'est absenté de la réalité des musulmans parce que durant une période furtive de l'histoire, ils ont troqué la bannière de l'islam contre celle de l'incroyance ignare, faite, elle, de nationalisme et de slogans tribaux. Il en résulta une punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui priva une telle génération de sa bonté en lui imposant les pires éléments de sa création, les francs-maçons, les juifs et les chrétiens. Et la grandeur tant espérée ne reviendra pas tant que ne se redressera pas la bannière éternelle de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même, et Allah est audient et omniscient. Sourate Al-Anfal, verset 53. Aussi, ces hadiths mentionnant la valeur particulière des gens du Cham ne concernent pas les nationalistes, les tribaux, les ba'athistes ou les communistes, pas plus qu'ils ne concernent les chiites, rawafid, ou les francs-maçons, non plus les alaouites, ni les druzes et les chrétiens. Plutôt, ils ne concernent que les gens de la croyance purifiée, tels les mujahidines qui soutiennent la vérité et restent fermement établis dessus. défendant leur religion par une vertu digne des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de la recherche de toute gloriole contraire à la réussite plénière, qui ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, et qui ne trouve aucune satisfaction avec un Seigneur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne lui associe aucune de ses créatures. Si les gens du Cham se sont vus aujourd'hui frappés par de telles afflictions, c'est parce qu'ils ont transformé la bannière du djihad en bannière de résistance nationaliste, comme ils ont aussi changé l'identité de l'islam en identité tribale et nationaliste. De même, ils ont changé la aqida, le dogme de l'islam, en une croyance communiste, baathiste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux les conséquences de ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes, et ces choix-là, à leur complet détriment, se sont bel et bien transformés en calamités. Et ce à travers quoi ils escomptaient quelques triomphes est plutôt devenu pour eux source de disgrâce et de déshonneur, et tout ceci est en parfaite adéquation avec les dires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens seront en quête du dirham et du dinar, pratiqueront le négoce selon les normes de l'aïna, une sorte de commerce assimilable à la pratique de l'usure, qu'ils suivront la queue des vaches, se contentant de leur culture, tout en ayant délaissé le djihad dans le sentier d'Allah, Allah fera s'abattre sur eux une de ces humiliations qu'il notera que lorsqu'ils retourneront à leur religion. Et d'après l'autorité d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une nation ne délaisse pas le djihad dans le sentier d'Allah sans qu'Allah ne fasse tomber sur elle une calamité générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous serions amenés à suivre l'exemple des communautés précédentes, gens du livre, juifs et chrétiens, pas à pas. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la sécurité des juifs contre le pharaon d'Égypte. Cela ne les a pas empêchés de vouer un culte aux veaux d'or, et lorsqu'ils parvinrent enfin aux portes de la terre promise, voici qu'ils manifestèrent leur dégoût pour le djihad, juste par peur primale et lâcheté crasse, proclamant selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô Moussa, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent, s'ils en sortent, alors nous y entrerons. Sourate Al-Ma'ida, verset 22. Ils prouvèrent ensuite leur vide spirituel intérieur, la faiblesse de leur croyance et l'éloignement de la méthodologie qui leur avait été prescrite par leur Seigneur, d'une façon aussi abjecte qu'irrespectueuse, qui révéla à jamais la pusillanimité de leurs efforts intérieurs, comme la vilénie de leurs avis, ajoutant de leur bouche, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô Moussa, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Surat Al-Ma'ida, verset 24. Et ceci n'est certes pas sans nous rappeler les vers d'un poète arabe du parti Baath qui écrivit: j'ai cru en Baath en tant que seigneur sans partenaire, et l'arabisme comme religion sans aucune autre à ses côtés. Forcément, Allah subhanahu wa ta'ala laissa aux ba'athistes leur ba'ath, comme il donna jadis aux juifs leur veau d'or, mais sans retirer la part de lâcheté qui allait avec, sans parler évidemment de sa mécréance. Et combien d'entre les gens de la foi saine vivant parmi eux ne les ont pas exhortés, leur rappelant que Ba'ath est mécréance, que l'alaouisme est mécréance, que le communisme est mécréance, et que la démocratie est mécréance, que le dogme tribal est mécréance, et qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion agréée est l'islam, et rien d'autre que l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Al-Imran, verset 85. De la même façon que les compagnons fidèles à Moussa, alayhi salam, déclarèrent: deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de ses bienfaits dirent: entre chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Sourate Al-Ma'ida, verset 23. Quand donc les fidèles ont découvert la fausseté du jeton et qu'ils constatèrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu possible la déroute intellectuelle de telle génération, pire que cela, la perdition, eh bien seuls les plus lucides et dotés de moelle déclarèrent leur mécréance par la faute de tous ces fagnons qu'ils opposèrent à l'islam. Et concernant cela, qui hissèrent la juste bannière, eh bien, comme le dit Moussa alayhi salam juste avant, il dit « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Sourate Al-Ma'ida, verset 25. Puis la sagesse divine fut décrétée à l'encontre de ces générations qui s'étaient faites injustice à elles-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. » Sourate Al-Ma'ida, verset 26. Donc, voici ce peuple du Cham, errant depuis près de 4 décades, entre nationalisme et baathisme, entre communisme et tribalité, leur dos flagellé du fouet alaouite à la manière dont furent suppliciés les fils d'Israël par les vents torrides du Sinaï. Un petit groupe de gens de l'infidélité et de l'égarement parachevé sont montés sur le dos des gens du Cham, en un temps donné caractérisé par l'insouciance et la perte. 2010. Les citoyens syriens sont au nombre approximatif de 25 millions, parmi lesquels nous comptons 80% de gens d'Ahlus Sunnah, dépassant donc la barre des 18 millions, 8% d'Alaouites, et je conçois l'énormité intrinsèque que révèlent ces données, viennent ensuite les factions chrétiennes frôlant les 4%, puis enfin 8% restant à la solde du chiisme Rafidi, et les juifs et le reste. Comment donc se peut-il qu'un si petit groupe, aussi factice que disgracieux, soit devenu dominant sur l'élite des guerriers à la surface du monde? En voici la simple raison. Le bienfait a été retiré des gens du Cham à cause de leur distanciation de la source. Et il en résulta ce qui devait forcément en résulter. Mais qui sont donc les Alaouites? Il s'agit d'un groupe déviant dont les origines remontent, semble-t-il, au IIIe siècle. Façonné de toutes pièces par un personnage répondant au nom d'Abu Shu'aib Muhammad ibn Nusayr al-Basri al-Namiri. Il prétendit un statut prophétique, clama le caractère divin du vertueux calife Ali, radiallahu anhu, et s'auto-attribua la semblance d'une porte donnant accès à l'imam al-Askari, dont il s'identifia en tant qu'héritier spirituel religieux, un pilier déterminant du retour à la progression chiite après lui, affirmant aussi que ces qualifications distinguées, porte d'accès, demeureraient avec lui au-delà de la mort de l'imam Mahdi. Il usurpa le droit de certains pieux prédécesseurs en professant leur nature divine. Les Alaouites ont dit que Ali, radiallahu anhu, procède à des apparitions spirituelles et corporelles, à la façon dont Jibril, alayhi salam, lui-même pouvait apparaître sous la forme d'autres individus, et que son apparition occasionnelle à travers des représentations imagées de Nazout n'a rien d'exceptionnel pour sa création, ni rien de surprenant pour ses serviteurs. Ils consacrent aussi leur amour envers Abdurrahman ibn Maljam, l'assassin de l'imam Ali, radiallahu anhu. Et ils invoquent la satisfaction d'Allah en sa faveur, revendiquant qu'il a libéré l'être spirituel qui était prisonnier du corps physique de Ali, radiallahu anhu. Et bien sûr, ils maudissent tous ceux qui oseraient affirmer qu'il fit une erreur. Certains parmi eux imaginent que Ali, radiallahu anhu, demeure vivant dans les nuages depuis le jour où il fut débarrassé de ce corps qui le maintenait prisonnier. Et quand un nuage passe au-dessus d'eux, ils disent « Que la paix soit sur toi, ô Aboul Hassan », puis que le tonnerre est sa voix, et que la foudre est son fouet, et qu'il, Ali, radiallahu anhu, créa Muhammad, et que Muhammad créa quant à lui Salman al-Farisi et que ce dernier créa les fameux 5 orphelins que sont. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Miqdad bin Aswad. Le seigneur des gens, leur créateur, responsable en chef de la foudre. Abu Dhar al-Ghifari, gérant des circonvolutions planétaires et stellaires. Abdallah bin Rawaha, administrateur du vent et de la récolte des âmes humaines. Uthman bin Mazoun, commandant des estomacs et des températures corporelles ainsi que des maladies. Kumbar bin Qandan, chargé d'insuffler les âmes dans les corps. Et ces gens, d'une immoralité complète, ont une nuit au cours de laquelle hommes et femmes se mélangent. Ils exaltent le vin et le considèrent comme un bienfait. Ils exaltent la vigne et interdisent sa coupe, car les racines du vin sont toutes lumière pour eux. Ils prient 5 fois par jour, mais leurs unités de prière sont différentes des nôtres. Les prosternations en sont exclues. La première personne qui supprima la prosternation de la prière n'est autre que Musaylima, le menteur. Quelques sortes de rukou' de temps à autre, et puis, bien sûr, pas de jumu'ah. Ils ne sont pas attachés au fait de la purification rituelle, des ablutions avant l'accomplissement de leur prière, et leur état d'impureté majeure ne revêt pas plus d'importance. Ils n'ont pas de mosquée en commun. Pour l'accomplissement de leur prière, ils restent chez eux, débitant en guise de supplication des imbécilités. Certaines de leurs commémorations sont identiques aux processions chrétiennes, telles leur prière mémorielle intitulée « Bonté divine sur toi, mon cher frère » ou encore leur fameuse autre prière dénommée « De l'encens pour les âmes bienheureuses et extasiées ». Et puis, cette autre, la fameuse prière traditionnelle de l'Adhan. Wallahu al-musta'an, qu'Allah nous assiste. Il renie le pilier du Hajj en disant que ce pèlerinage à la Mecque est une mécréance et une adoration des idoles. La zakat, telle que la prévoit notre sharia, pareil. Ils payent une taxe à leur chouyour, affirmant qu'elle correspond au 5e de leur possession. Le jeûne, pour eux, consiste à éviter la femme durant le mois de Ramadan, et puis ils haïssent très intensément les compagnons. Radiallahu anhum, proférant des mots immondes au sujet d'Abu Bakr et de Omar et de Othman, radiallahu anhum. Pour eux, la aqida est composée d'une face cachée et d'une face visible, qu'ils sont seuls, eux, à même de distinguer et dont ils connaissent les plus subtils mystères. En voici quelques-uns. L'impureté, c'est de supporter les ignorants et d'ignorer la science des sens cachés du Coran. La pureté, c'est de riposter contre les opposants et de posséder la science des sens cachés du Coran. Le jeûne, c'est de préserver le secret des 30 hommes et des 30 femmes. La zakat, c'est le symbole de la personnalité de Salman. Le djihad, c'est d'invoquer la malédiction sur les ennemis et les révélateurs du secret. Le soutien, c'est d'être loyal envers la congrégation alaouite et de haïr leurs ennemis. L'attestation, spécifiée un peu plus tard, Inch'Allah. Le Coran, il est une porte qui nous enseigne la communion avec Ali, et Salman, apparu sous la forme de Jibril, l'a enseigné à Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. La prière. Oh, elles sont 5 et portent chacune un nom. Ali, Hassan, Hussein, Muhsin et Fatima. Muhsin est le secret caché. Une goutte jaillit de Fatima, et rien que mentionner ces noms suffit en guise de grande purification comme d'ablution. On ne compte plus ces fêtes où sont manifestement exhibées l'ensemble des croyances sur lesquelles repose la aqida. Parmi elles, la fête de l'Aïd de Nairoz. Il apparaît au 4e jour d'avril, correspondant au 1er jour du calendrier perse. C'est une fête des mages. La fête de l'Aïd al-Ghadir et de l'Aïd al-Firash. La visite au jour de Ashura, 10e de Muharram, en souvenir du jour du martyr de Hussein à Karbala. C'est le jour de la grande expulsion. Alors, note du traducteur, expulsion spirituelle de l'esprit de Hussein hors de sa prison corporelle. Ou le jour de l'injection, Note du traducteur. Il semble que ceci correspond à cette injection indispensable avant de se taillader les crânes. Il s'injecte un produit sur différents endroits, très certainement pour s'anesthésier. Wal'ilmu lillah. Au 9e jour de Rabi' al-Awwal, en l'honneur de l'appel à l'expulsion des chrétiens de Najran par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'Eid al-Adha. Il célèbre le 12e jour de Rabi' al-Awwal durant le mois de Dhul-Hijjah. De même, il célèbre les fêtes chrétiennes comme l'Épiphanie, la Pentecôte, la Sainte Barbe et les anniversaires et la fête de la Croix, qu'il considère comme une fête historique indiquant le début des semences et des vendanges et des échanges commerciaux et autres accords d'achat et de vente en tout genre. Au 9e de Rabi' al-Awwal, voici venir pour eux la célébration du jour de Dalam, symbolisant la date où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fut assassiné. Le tout dans un mouvement d'allégresse généralisé à l'évocation de cette mort et la moquerie à son sujet. Que peut-il donc y avoir comme ignorance au-delà de cette ignorance? Y a-t-il une autre stupidité par-delà cette stupidité? Et que peut-il donc y avoir comme mécréance supérieure à cette mécréance? Les Alaouites ont tiré leur croyance d'un paganisme lointain et furent aussi affectés par les Fatimides contemporains. Ils ont intégré à cela la philosophie des mages et du culte chrétien dont ils ont adopté, entre autres, symboles issus de la Trinité, des prières mortuaires agrémentées de ce vin qu'ils ont rendu licite. Quant à ce concept de fusion spirituelle au point de ne faire plus qu'un avec le disparu, ceci est directement inspiré de l'hindouisme et du bouddhisme. Enfin, ils sont, pour conclure, une secte déviante provenant de celle que l'on connaît sous le nom de Rawafid Batinides. Les Alaouites aujourd'hui sont présents dans les régions montagneuses de Nusayri, une zone située dans les Ziqiyya, et ils se sont tardivement répandus dans les villes syriennes qui leur étaient voisines. La plupart d'entre eux viennent de l'ouest anatolien et ils sont connus sous le nom de Tartajiyya al-Hataboun. À l'est de l'Anatolie, on les appelle Al-Quz, Bashiyya, et leur renommée s'étend jusqu'à la Turquie et l'Albanie, où là, ils sont nommés Paktasha. Quelques-uns d'entre eux, en effectif réduit, sont présents dans les terres iraniennes et du Turkestan, où là, ils sont appelés Al-Ali al-Hiyya. Et puis d'autres encore ont élu domicile au Liban et en Palestine. Quant à cette appellation Al-Ali al-Hiyya, elle donne la place à une autre, Ulviya, dont les racines remontent au temps de l'invasion française de la zone du Cham, période durant laquelle la France les appelait ainsi. Avec cette appellation, ils tentèrent de tromper les musulmans pour les attirer à leur voie déviante sous le simple couvert du chiisme, suffisamment déviant lui-même à la base. Les Alaouites allaient être les plus loyaux et serviles esclaves de l'occupant français et leurs plus dévoués acolytes, en échange de quoi la France les récompensèrent par un soutien qui les conduisirent à prendre le contrôle de Damas, s'imposant de fait au reste des musulmans. Quelles sont à présent les règles les concernant? Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fut interrogé à leur sujet et répondit dans Al-Fatawa de la façon suivante. C'est Darziyah et ces Nusayriyah sont mécréants, et ceci à l'unanimité consensuelle des musulmans. Il n'est pas permis de consommer de leurs sacrifices, d'épouser leurs femmes, ils ne sont aucunement à prendre en considération, pas même dans le versement de la jizya. Du fait que ce sont des apostats, ce ne sont pas des musulmans, pas plus des juifs ou des chrétiens. Ils renient les piliers obligatoires des cinq prières, comme celui du jeûne au mois de Ramadan. Ils renient aussi le pilier du hajj et renient les interdits clairs tels qu'Allah puis son messager les ont établis, comme la consommation de la chair, des cadavres d'animaux, le vin et autres. Et ils peuvent bien prononcer les shahadatayn autant qu'ils le souhaitent. Avec de telles certitudes, ils n'en demeurent pas moins mécréants et rien de plus que des mécréants. Et ceci à l'unanimité des musulmans. Fin de citation. Il dit aussi à leur sujet, dans la même source, ces gens-là qui se font appeler Nusayriya, avec leur lot de supercheries, sont en réalité plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Et pire encore, que n'importe quel autre adorateur d'idoles. Et leur méfait vis-à-vis de la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est de loin plus énorme que celui-là même du combat livré par d'autres mécréants contre elle, comme les Tatars, les Firanges et d'autres. Ils se présentent aux illettrés d'entre les musulmans comme des chiites de base, comme des partisans des Ahlul Bayt, alors que, dans la réalité, ils n'ont nullement la foi en Allah, ou en son messager, ni en son livre, pas plus qu'ils n'accordent le moindre crédit à ses ordres et ses interdits, ses récompenses ou ses punitions, son paradis et son enfer. Et ils ne croient pas non plus aux messagers qui précédèrent Muhammad, ni dans les religions qui précédèrent plutôt. Ils extraient certains mots de la parole d'Allah et de son messager, des mots bien connus parmi les savants musulmans en leur donnant des interprétations mystiques inventées de toutes pièces, qui se voudraient être, selon leurs assertions, les manifestations d'une science de l'invisible. Et il dit par ailleurs, dans Fatawa, les Nusayriya sont les pires mécréants qui puissent être, et cela, leurs affaires ne sont pas cachées, mais bien connues chez tous les musulmans. Ils ne pratiquent pas les 5 prières canoniques, ne jeûnent pas au mois de Ramadan, ne font pas le hajj, ne versent pas la zakat, et reniant de toute façon son caractère obligatoire. Et ils rendent licite le vin et d'autres choses assimilables qu'ils autorisent d'eux-mêmes. Et ils pensent que Allah, c'est Ali ibn Abi Talib, et ils disent, nous attestons qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Haydara al-Anza al-Batin, en référence à Ali, et que rien ne le recouvre à l'exception de Muhammad, le véridique, le digne d'adoration, et qu'il n'y a pas d'autre voie d'accès menant à lui si ce n'est par la personne de Salman, le détenteur de la force suprême. Cheikh Hamoud bin Uqla al-Shu'aybi, rahimahullah, dit, et parmi les problèmes de base des Nusayri figurent cette haine et cette répulsion extrême qu'ils ont pour l'islam et les musulmans. Et cette aversion qu'ils ont envers l'islam atteint son paroxysme quand ils décrivent Al-Faruq, l'amir des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comme le plus grand des diables. Et quand ils disent Abu Bakr et Othman, le succède en cela, radiallahu anhum. En plus, ils interdisent la visite du tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause du fait qu'à côté de lui se trouvent Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum, et ce groupe, qui se limitait à l'origine en un endroit bien distinct des terres du Cham, et qui n'avait par conséquent reçu aucune éducation ni aucun fruit des travaux contenus dans les fatwas d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, jusqu'à l'invasion française des terres en question, ces Français les ont extirpés du confinement dans lequel ils étaient, en leur attribuant des postes à haute responsabilité à travers le pays. Et l'avis des savants de l'islam sur eux, et qu'ils sont sortis de la religion parce que leur méthodologie est basée sur le polythéisme, la juxtaposition spirituelle des âmes et le déni de la résurrection, du paradis et de l'enfer. Fin de citation du Cheikh Hamoud bin Uqla al-Shu'aybi, rahimahullah. Et telle est l'apostasie alaouite et sa mécréance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé sur le peuple du Cham quand ils dévièrent de la vérité, en s'orientant plutôt vers les sentiers du tribalisme, les beuglements du nationalisme et la mécréance du parti de Ba'ath, et les fantaisies du communisme, quand ils délaissèrent en somme la méthodologie correcte et le sentier de droiture. Et l'honneur ne leur sera pas rendu, et ils seront impuissants à atteindre cet état professé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que par un retour net à leur religion. C'est Samari du Cham, note du traducteur. Le Samari est celui qui appela les fils d'Israël à façonner et adorer le veau d'or, tandis que Moussa alayhi salam s'était absenté. sont venus à ces gens avec plus d'un veau dans leur sac, les invitant à d'autres sortes d'adorations que celles du culte sincère voué à Allah. Et ils en vinrent à pratiquer le culte communiste, baathiste, tribal et nationaliste, et bien d'autres veaux encore, et le temps est certes venu pour le peuple du Cham, et plus spécifiquement le peuple syrien, de dire à ses pastoraux polythéistes comme Moussa alayhi salam avait dit jadis: va-t'en, lui dit-il, dans la vie tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas, et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité, nous la brûlerons certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. Surat Taha, verset 97. Et c'est bien ainsi que doivent être éjectés ces faux dieux. Et Moussa alayhi salam aurait très bien pu utiliser cet or mélangé qui avait servi à la construction du veau pour d'autres choses, qui auraient certainement contribué à augmenter la déconvenue des enfants d'Israël. Mais il y a, dans la destruction totale de cette idole par voie d'immolation, une grande sagesse. En effet, il était important pour Moussa alayhi salam de rompre toute relation entre son peuple et ses choses adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La sagesse fut d'éradiquer ses moindres traces, au point que rien, pas même une particule, ne puisse rappeler leurs gestes passés, que ne puisse plus venir à l'esprit le rappel d'un culte qu'ils avaient voué à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ne remonte à la surface le souvenir de cette mécréance manifeste, et que plus jamais leur cœur ne s'attache à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, son geste leur permit de prendre aussi conscience de la réalité basique et matérielle de l'or face à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, après cet acte superbe de l'immolation du veau d'or par le feu, Moussa alayhi salam les admonesta par ce rappel: en vérité, votre Seigneur est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Surat Taha, verset 98. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Iqbal, qui disait: nous déclarons ouvertement qu'il n'y a d'autre divinité en dehors de lui, qui créa l'existence même et mesura parfaitement les mesures. Et nos têtes sont dans nos paumes, nous espérons ta récompense, la compagnie d'excellence et les trésors. Et devrions-nous revoir les idoles dorées que nous les pulvériserions, avec au-dessus d'elles leurs adulateurs mécréants? Et si ce n'était des musulmans pour agir de la sorte, d'autres auraient fait de même, mais en prenant soin de tenir la comptabilité des étoffes et des dinars. Le veau qui bénéficia de l'adoration des enfants d'Israël était composé d'or pur. Mais ce que les gens adorent aujourd'hui, même si cela n'atteint pas la valeur marchande d'un seul postillon de veau d'or, n'en est pas moins condamnable, et combien nombreux sont-ils ces postillons-là? Le dirigeant en est un, adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent aussi, et la peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est aussi un veau d'or. Et tous ces veaux d'or devraient être réduits en cendres, et ces cendres balancées dans les flots de l'histoire, pour qu'enfin les âmes soient libérées de toutes ces entraves au tawhid de leur créateur. Le premier veau d'or dont chacun doit se libérer en priorité est celui de la peur. Ensuite, le veau d'or du désir. Et tous les veaux d'or qui viennent après sont enchaînés les uns aux autres. Et nous commençons déjà à voir les prémices de cette destruction du veau d'or de la peur par des gens du Cham, le Cham de la foi. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, viendra le tour du veau d'or de la passion. Là, le Cham redeviendra ce qu'il était par le passé, cette terre de croyance déblayant les parasites obstruant son sentier. Et ces armées redeviendront les meilleures de l'histoire. Et quant aux Nuzayri, nos gens du Cham, les lourderont plus bas que Fos, où leur crémation introduira leur disparition définitive. Si les gens du Cham remontent sur les tribunes de la vérité par la pointe des balles, et que les jeunes proclament sur leur sol Allahu Akbar, et si des minarets retentissent cet écho Haya al al-jihad, tous au combat alors. Je fais l'annonce d'une bonne nouvelle aux musulmans de l'Est et de l'Ouest, l'annonce d'un vent effrayant et dévastateur pour l'infidélité et ses ténèbres, un vent qui suffira à sa liquidation sans appel. Si les gens du Cham viennent à prendre position et commencent à faire tonner l'appel de l'islam, eh bien, malheur à l'infidélité face aux armées du Cham. Malheur à l'infidélité face aux armées du Cham. Et Allah est parfaitement connaisseur. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, sa famille et ses compagnons. Écrit par Hussein ibn Mahmoud. Hafidhahullah.